l'agonie, livre 2, chapitre 4. C'était, entre la voie Ardeatina et la voie Appia, des villas se graduant très diversement, avec leurs divisions urbaines, rustiques et fructuaires, les premières renfermant des salles à manger et à coucher, des bancs, des promenades et des terrasses, les autres des logements d'esclaves, des étables, des celliers et des basses-cours. Vaste, ces villas avaient des jardins victorieux, d'où la vue se baignait d'air bleu, de verdure reposée, d'eau fusant en des ravinées bordées d'oserais et de cressonnières épaissies. Spacieuses celles de Glycia, des M. Claudius Glycia, qui comptèrent un dictateur dans les fastes romains. C'était maintenant Glycia, un très riche patricien, qui, depuis 25 ans, bougonnant et quinteux, s'isolait de tout, seulement pour soigner ses laitues et surveiller ses cochléaires. Il possédait des esclaves justes pour son service, un jardinier qui régulièrement taillait ses arbres et une terre complantée de vignes s'en ramêlant à un coteau qui s'érigeait d'un belvédère léger, d'où Rome vaporait dans l'éloignement, avec un émerveillement de routes piquées de voyageurs, de soldats et de fonctionnaires, de villas s'étendant jusqu'à la Sabine, d'aqueducs, de temples, de tombeaux épars, et un bout jaune de Tibre se fondant, du côté d'Ostie, en un bout bleu de mer. Glycia se traînait sous le portique de son jardin, miroitant d'un vivier à son milieu, que troublait une grande ombre de passereuses dressées en roseaux. Il toussotait, quoi qu'on fût en plein été, ramenant vivement un morceau de sa toge autour du cou et les mains croisées sur la tête en un mouvement de désespoir. Devant lui s'étendaient des celliers et des greniers à toiture de tuiles roses, des bouquets de cyprès, des pavillons en lattes minces à l'ombre chère à ses siestes, puis s'échelonnaient des vignes, crevant de têtes nues d'esclaves, droites vers le ciel. Il regardait tout cela, toujours tout sautant de long en large, frileux et inquiet. Il appela, dans un bégaiement terrible, qui fit ses yeux tout ronds. « Rusca ! Rusca ! » Un vieil esclave accourut, avec une peau rose de face plissée, un crâne tout blanc, une tunique brune et des sandales de bois. Est-ce qu'il a achevé son repas, ce vieillard? Est-ce que nous allons subir encore un envahissement de ces gens-là? Le vieillard a mangé, répondit Rusca. Il ne veut pas s'en aller. Gaël n'est pas revenu. Zal n'a pas été vu depuis quelques jours. Les chrétiens sont bien à Rome, car ils n'approchent plus d'ici. Ils sont bien à Rome, fit dans un toussotement Glycia, qu'ils y restent. Moi, j'ai juré de n'y mettre les pieds que lorsque l'Empire appartiendra aux Romains, et non aux étrangers. J'ai repoussé les offres de Septimus, de Caracallus et de Macrinus. J'étais avec Pertinax. Pertinax est mort, je ne veux rien, qu'il me laisse en paix. Ce que tu me dis des chrétiens ne m'étonne pas. Ils s'entendent avec les empereurs syriens qui favorisent leur culte, et Rome leur appartient maintenant, ils le savent bien. Ce n'est pas ce que Maglo assure, hasarda Rusca, car il m'origène Severa, qui, comme Zal, Gaël et certains chrétiens qu'elle reçoit ici, croient qu'Elagabalus est envoyé par leur Christos pour les aider à renverser les dieux. Ah, il n'assure pas cela. Et Severa applaudit cependant à Elagabalus, cria aiguement Glycia. Je le sentais bien, Je devinais bien que Sévéra applaudirait à ce que les chrétiens qui l'influencent l'inciteraient à applaudir. Sévéra est bonne et faible, dit Ruska. Cela n'a pas de conséquences. Et puis, ce que femme veut, Jupiter le veut. Glycia branlait la tête et tout sautait, les épaules rentrantes, le cou toujours pris dans sa toge. Mais un bruit de pas eut lieu. Derrière eux, une ombre de bâton s'érigea, énorme, sur une ombre de pétase très large, au bord tombant en ailes de corbeau. Et Maglo, qui avait mangé dans la maison de Sévéra, celle de Glycia, son époux, émergea, le bâton en l'air, sa main libre élargie devant lui, comme pour les bénir. « Vous êtes des adorateurs des faux dieux, leur fit-il. Alors je n'ai plus qu'à m'en aller, qu'à secouer mes sandales de votre poussière et à prier Christos pour vous. » Il fit un demi-tour, mais se ravisant, avant qu'il lui eût répondu, « Je puis vous catéchiser, vous éclairer et vous consoler dans le sein de l'agneau que je vois à la droite et l'esprit planant sur lui. » Et, prenant Ruska pour Glycia, sans distinguer nettement la tunique grossière du premier de la toge fine du second, il ajouta « Sévéra, ton épouse, a les yeux ouverts sur la lumière. » Mais il est malheureux qu'elle se laisse aller aux idées de Zal sur Elagabalus et ses abominations. Moi, Maglo, j'affirme que le péché est le péché, et que cet empire, qui a des pieds d'argile, s'enfoncera bientôt, comme la bête, dans la mort. Glycia arrêta net un tout sautement lui montant à la gorge pour crier. Alors, tu es de cet avis, toi? Qu'Elagabalus n'a pas longtemps à dominer? Cela m'agré, oui, cela m'agré. » Il répéta ces derniers mots, appuyé à l'épaule de Ruska. C'était la première fois qu'on affirmait devant lui la disparition prochaine de l'empereur. Maglo éleva son bâton et, prophétique, « Ce n'est pas seulement Elagabalus Antoninus, mais l'Empire !» Mais la bête aux pieds d'argile qu'engloutira la gueule de la mort. Je le prédis, la gloire de Christos s'assiera sur la bête, et son Église vivra éternellement, malgré le péché. Tu veux dire, demanda Glycia, que l'Empire existera, mais sans l'Empereur? Oui, s'exclama Maglo, sous le coup d'une illumination, avec Christos à sa tête. Il éleva ses deux bras, comme un crucifié, la face renversée, le regard perdu dans le bleu du ciel à peine traversé de fuites d'oiseaux, puis en aparté. Je les défie tous, ces Romains, Calliste leur évêque avec, de prédire comme moi le triomphe de Christos dans l'Empire sans l'Empereur. Et il s'en alla, sans seulement saluer Glycia. À ce moment, survint Sévéra, qui s'agenouilla devant Maglo, humble et attendri. « Je puis te bénir, sœur, » dit le vieillard, « mais non ton époux, adorateur des faux dieux et contempteur de Christos. » Il disparut, après une imposition des mains, pendant que Glycia tout sautait affreusement, avec un coup d'œil irrité pour Sévéra, qui, s'approchant de lui, le soutint, attentive, inquiète, une main à son coude levée. « Je sais bien que tu n'écouteras jamais les serviteurs de Christos et que tu n'ouvriras pas les yeux sur la vérité, » fit-elle doucement. « Mais il n'importe, tu es mon époux et je te dois aide et amour. » Dans ce mot « amour », il y avait une amertume voilée d'hésitation, une sorte de regret à le prononcer, qui fit dire à Glycia, toujours tout sautant et repoussant la main de Sévéra. « Aide et amour, oui, pour ton Christos, ton Maglo, ton Calliste, ton Zal et ton Gaël. La loi romaine me donne droit de vie et de mort sur toi, et je t'en ai libéré en te laissant aller à leurs assemblées, en acceptant même ces gens-là chez moi. Tu ne songes pas à ton époux, parce qu'il est vieux et qu'il ne veut pas de l'Empire, alors qu'avec ce Gaël et ce Zal, tu applaudis à ce qu'il fait. Mais cela m'agré que ton Maglo ait prédit la mort des Lagabalus et des empereurs qui ne sont pas romains. Il a raison, ton Maglo, si c'est ce que j'ai compris de lui. La laissant là, suivi de Rusca, il s'enfonça dans le rond de soleil d'un sentier, non sans lui crier de très loin, en brouillant tout, dans une habituelle absence de mémoire. Oui, il a raison, ce Maglo. Il périra, Elagabalus, avec ce Gaël, ce Zal et ce Christos, et tu regretteras les services que tu leur rends. Elle rentra, traversa des appartements aux peintures simples. Dans une pièce carrée, une vieille servante rangeait des étoffes, des toges à peine asséchées, des subuculats reprisés, un tas de loques que Sévéra faisait rapetasser pour des chrétiens pauvres. Car l'épouse de Glycia, ayant mis sa fortune au service des frères en Christos, ils furent nombreux, ceux-là, qui approchèrent leurs lèvres de la bonne coupe patricienne. Depuis que, 10 ans auparavant, un confesseur bithynien l'avait immergé dans le baptême, Sévéra se dévoua à Christos au point de laisser le quinteux époux se confondre avec le vieux Rusca, d'oublier la villa et de ne plus avoir pour cette maison, une gloire romaine, le coup d'œil de la maîtresse surveillant tout. Aussi c'était pitié de la voir, la villa, s'effacer devant la splendeur des villas voisines, dont les possesseurs prêtaient à la matrone, si jeune encore, si belle, si attrayante, malgré un air austère de veuve anticipée, des passions extraordinaires. Tous ignoraient la grandeur en même temps que la simplesse d'âme de Sévéra, sublime par l'illumination qu'elle donnait aux choses. Tous ne se disaient pas qu'aimante et ardente, elle se privait chaque jour un peu d'elle, car, encore quelques années de ses générosités, et c'était la pauvreté pour elle et pour son époux. Elle s'était mariée à cet inquiet de Glycia, parce que sa famille, aussi de souche patricienne, mise hors service depuis un siècle par les empereurs, l'avait voulu. Il y avait 10 ans de cela, elle en avait 15 alors. À peine si Glycia l'effleura et la déflora. D'une nature portée aux mysticités, elle eût été une effrénée combattante de la chair, mais cette chair apaisée dans les délices de Christos, endormie dans la charité, le renoncement, les bonnes sympathies pour les frères, les larmes versées, les effusions tendres entre esprits qui se répondaient facilement dans l'atmosphère des assemblées, elle resta chaste, froide et comme insexualisée. Depuis que Zal l'avait gagnée à l'idée d'une catholicité poussée vigoureusement du fumier des Lagabalus, il s'était formé un parti nombreux de mystiques, surtout orientaux, comme lui soutenant et Lagabalus, qui ne persécutait pas les chrétiens, les laissait s'assembler et même crier contre les dieux. L'unité créatrice en Christos lui allait, comme corollaire de l'unité créatrice en la pierre noire. Les deux cultes, après avoir délivré les nombreux polythéismes, les philosophies plus ou moins panthéistiques, se raccorderaient ensuite en un seul, que, sectateurs de Christos et sectateurs de la pierre noire, érigeaient en commun. Et ces idées occupaient maintenant Sévéra, se demandant pourquoi Maglo maudissait cet empire et cet empereur si favorables à Christos. Sévéra, Ésale et Gaël et des milliers de chrétiens, pauvres de l'Aventin, de la Transtévérine, de l'Esquilin, riches du Célius, de la région des jardins et de la campagne, voyez dans les abominations de la pierre noire, non des obscénités, mais la pulvérisation des vieux dogmes, la dissolution des vieux cultes, la disparition du péché, jetant son dernier souffle dans les horreurs de Sodome et de Babylone. L'avenir leur apparaissait au-delà, bleu et clair comme un ciel de cristal, et une nouvelle humanité rayonnait. À sa tête Christos, les trous de ses mains et de ses pieds, laissant échapper le sang fécondant, les prospérités et les quiétudes, les amours éternels et les fraternités, levés en fleurs touffues, dans le tabernacle de ces églises évasées, comme des lys blancs, aux coupes inaltérées. Tout cela tourbillonnait confusément en Sévéra, en Kizal revenait, tel que dans les réunions chrétiennes, surtout celles où sa face tuméfiée se dressa, blanche. Elle songeait à sa détresse quand, avec Maglo, dont il ne partageait pas les idées, et pour ne point l'abandonner aux soldats, il alla au camp. À son empressement à se porter chez lui, à l'Esquilin, dans cette pauvre chambre de chrétien vivant de peu, ce jour inoublié, où, sans l'assistance d'Attilius, des Galles l'allaient violenter. Elle l'avait revu depuis, toujours ardent, toujours mystique, avec le grand air royal de ses 30 véhémentes années, car Sal comptait un roi de Perse parmi ses ancêtres. Un roi glorieux qui fit jadis trembler la terre, et ce sang l'avait fait ce qu'il était. Généreux, ténébreux, énorme de vie intellectuelle, audacieux et vaste de pensée. Elle cousait un vêtement de pauvre, avec, sous les yeux, cette ascension d'idées au travers desquelles flottait la face de Christos et de Zal, tour à tour s'effaçant. Et elle n'eût pu dire laquelle des deux émergeait plus vivante et resplendissante, tant leur translation mutuelle était rapide. Elle ne parlait pas, pendant que l'Ancilla comptait à voix basse d'autres vêtements. Des toges de laine brune, des tuniques sans manches, des ceintures de cuir, des stolas et des pallas, des subuculas de lin et des lacernas avec leur cuculus, et qu'au fredonnement de sa bouche se joignaient de loin des paroles de Glycia, qui, revenue avec Rusca, disait, dans un toussotement sans fin, « Oui, cela m'agré, Rusca, que ce chrétien méprédit la fin des Lagabalus. Il périra, crois-moi, cet empire de Sévéra, avec son Gaël, son Christos et son Zal. »